Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 41. Comment le vénérable frère Simon délivra un frère d'une tentation par suite de laquelle il voulait sortir de l'ordre. Dans les premiers temps de l'ordre et du vivant de saint François, un jeune homme d'Assise fut ennemi au nombre des frères mineurs, sous le nom de frère Simon. Dieu l'enrichit de tant de grâce et le favorisa d'une si haute contemplation et d'une telle élévation d'esprit, que sa vie tout entière était un véritable miroir de sainteté, comme je l'ai moi-même entendu dire par ceux qui vécurent longtemps avec lui. Rarement il sortait de sa cellule, et si parfois il se joignait aux autres frères, c'était toujours pour s'entretenir de Dieu. Jamais il n'avait étudié les belles lettres, et néanmoins il parlait des choses du ciel avec tant de profondeur et de sublimité, que ses paroles paraissaient toutes divines. Un soir qu'il s'était rendu dans le bois avec frère Jacques de Massé, pour s'entretenir de l'amour de Dieu, les deux frères passèrent toute la nuit dans cette douce conversation, et, selon que me l'affirma frère Jacques lui-même, cette nuit leur parut si courte, qu'ils ne pouvaient comprendre que le jour fût sitôt arrivé. Frère Simon possédait, avec une suavité et une douceur ineffables, les amoureuses illuminations de la divinité, lorsqu'il sentait l'approche de l'Esprit Saint qui les répandait sur lui, sachant que ce divin hôte exigeait le repos du corps aussi bien que la tranquillité de l'âme, il se posait sur son lit, et attendait ainsi que l'onction céleste vint inonder son cœur. Souvent alors il se trouvait ravi en Dieu, et il demeurait comme insensible aux choses extérieures. Un jour qu'il était dans une de ses extases, l'amour divin l'enflamma si vivement à l'intérieur, qu'il n'éprouvait plus aucune sensation corporelle. Un frère qu'il aperçut dans cet état, voulant voir par lui-même jusqu'où allait cette insensibilité, prit un charbon ardent et alla le lui poser sur le pied. Frère Simon ne ressentit aucune douleur, ne fit aucun mouvement, quoiqu'il le conservât durant toute son extase, qui se prolongea longtemps encore. Quand il se mettait à table, avant de toucher aux aliments corporels, il se mettait à parler de Dieu, prenant ainsi pour lui-même et donnant aux autres la nourriture spirituelle. Ces pieux entretiens convertirent, un jour, un jeune homme de Saint-Séverin, d'une noble famille, nourri dans une extrême délicatesse, et qui menait, dans le monde, une vie mondaine et dissipée. Après l'avoir reçu dans son ordre, frère Simon fit mettre en réserve les habits séculiers qu'il venait de quitter, et il voulut le retenir près de lui pour le former lui-même aux observances de la règle. Le démon, qui s'efforçait de paralyser tout le bien qui s'opérait par les frères mineurs, vint bientôt jeter le trouble dans l'esprit du jeune frère, en lui présentant une tentation de la chair vive et pressante. Ne pouvant y résister, le frère va trouver son directeur et lui dit « Rendez-moi mes habits séculiers, car je ne puis plus supporter la tentation qui me tourmente. » Frère Simon fut touché de compassion, « Asseyez-vous un instant près de moi, mon fils, lui dit-il, puis il lui parla de Dieu avec tant d'onction que la tentation disparut. Mais bientôt elle se fit ressentir de nouveau, et le jeune frère alla redemander encore ses habits séculiers au frère Simon, qui le délivra une seconde fois. Une nuit, enfin, pressé plus vivement que jamais par la tentation et se sentant dans l'impossibilité de la surmonter, il va trouver son directeur et lui demande résolument ses habits séculiers, l'assurant que rien désormais ne pouvait plus le retenir au couvent. Frère Simon le fit asseoir près de lui, à son ordinaire, et lui parla de Dieu. Le jeune frère écoutait avec tristesse, et sa tête se pencha doucement sur le sein de celui qui lui parlait. Alors frère Simon, vivement touché, lève les yeux au ciel et prie pour le pauvre jeune homme. En ce moment, Dieu le ravit, en extase, et sa prière fut exaucée. Lorsqu'il revint à lui, il trouva le frère entièrement délivré. Dès lors, le feu de la tentation fut remplacé, dans son cœur, par les ardeurs de l'Esprit Saint, et il se sentit complètement changé du moment où il s'était approché de la fournaise qui brûlait au cœur de frère Simon, de cet homme enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Un jour qu'un malfaiteur avait été saisi et qu'il était condamné à perdre les yeux, instruit de cette nouvelle et plein de pitié pour ce malheureux, frère Simon, avec une sainte hardiesse, va trouver le recteur à son conseil, et, baigné de larmes, il le supplie de ne faire arracher qu'un œil au condamné, et de lui faire arracher l'autre à lui-même, afin que ce misérable ne fût pas entièrement privé de la vue. Touché de sa ferveur et de sa charité, le recteur, du consentement de son conseil, fit grâce aux deux suppliants. Un jour encore, au moment où le frère Simon se trouvait en prière dans le bois, et que son âme était toute remplie de consolation, une multitude de corneilles vint le troubler par ses cris. Au nom de Jésus, il leur ordonna de se retirer et de ne plus reparaître, et les oiseaux s'enfuirent aussitôt, et les habitants de la garde de Fermo, où ce prodige avait été opéré, ne revirent plus de corneilles dans la suite. Chapitre 42. Des miracles que Dieu opéra par les saints frères Bentivoglia, Pierre de Monticelli et Curado d'Offide. Comment frère Bentivoglia, chargé d'un lépreux, parcourut 15 000 en un instant. Comment frère Pierre de Monticelli s'entretint avec saint Michel. Enfin, comment la Sainte Vierge apparut à frère Curado et lui déposa son divin fils sur les bras. Comme un beau ciel tout parsemé d'étoiles, la province de la Marche d'Ancône fut jadis embellie de pieux et saints frères, qui, semblables à des astres brillants, resplendissaient sur l'ordre de saint François et sur le monde tout entier par la lumière de leurs exemples et de leurs doctrines. On remarquait surtout frère Lucide l'Ancien, cet homme vraiment brillant de sainteté, tout brûlant de la divine charité, et dont la langue, dirigée par le Saint-Esprit lui-même, produisait, par la prédication, les fruits les plus merveilleux. On admirait aussi frère Bentivoglia de Saint-Séverin, que frère Massé aperçut dans le bois où il était en prière, élevé pendant longtemps au-dessus de terre. Frère Massé, qui était alors curé, fut si frappé de ce prodige, que dès lors il se retira de sa cure pour se faire frère mineur, et il vécut dans une si grande sainteté, qu'il opéra lui-même plusieurs miracles pendant sa vie et après sa mort. Son corps repose à Mureau. Un jour que frère Bentivoglia se trouvait à Travé Bonanti, où il était employé au service d'un lépreux, son supérieur lui ordonna de se rendre à un autre couvent qui se trouvait à 15 000 de là. Le frère obéit, ne voulant cependant pas abandonner son malade et pressé par la charité, il le charge sur ses épaules et se met en chemin. L'aurore commençait alors à poindre, et le frère, chargé de son fardeau, arriva pour le lever du soleil au couvent de Monte-Sansino, qui lui avait été désigné et qui se trouvait à 15 000 de Travé Bonanti. C'est ainsi qu'il fit ce voyage avec une telle rapidité qu'un aigle n'aurait pu le suivre. À la nouvelle de ce prodige, tout le pays fut dans l'admiration et la stupeur. Un autre religieux, frère Pierre de Monticelli, fut élevé corporellement au-dessus de terre à la hauteur de 5 ou 6 brasses, jusqu'au pied du crucifix de l'église dans laquelle il priait, frère Servodio d'Urbain, alors gardien de l'ancien couvent d'Ancône, fut lui-même témoin de ce prodige. Un autre jour que frère Pierre était en oraison dans l'église, le dernier jour du carême de Saint-Michel Archange, pendant lequel il avait jeûné avec une grande ferveur, un jeune frère qui se tenait soigneusement caché sous le grand autel pour s'édifier à la vue des prodiges de sa sainteté, l'entendit s'entretenir avec Saint-Michel. « Frère Pierre, disait l'archange, tu t'es fidèlement appliqué à la pénitence en mon honneur, tu as imposé à ton corps de nombreuses mortifications, en récompense, voici que maintenant je viens te consoler, demande-moi la grâce que tu souhaites, je veux moi-même te l'obtenir de Dieu. » Frère Pierre répondait, « Ô très saint prince de la milice céleste, fidèle zélateur de l'amour divin, pieux protecteur des âmes, obtenez-moi le pardon de mes péchés, c'est la seule grâce que je désire. Tu peux en demander une autre, répliqua Saint-Michel, car, pour celle-là, je te la procurerai sans peine. » Et comme frère Pierre ne demandait plus rien, eh bien, ajouta à l'archange, pour te récompenser de ta confiance et de ta dévotion, je te promets de t'obtenir la grâce que tu souhaites et plusieurs autres encore. Cet entretien se prolongea longtemps, et quand il fut terminé, Saint-Michel disparut, laissant le frère rempli de douces consolations. Du temps de frère Pierre, vivait encore un autre saint frère nommé Curado de Fide, avec lequel il se trouvait de compagnie au couvent de Sorano, dans la garde d'Ancône. Un jour que ce frère se rendait dans le bois pour s'y livrer à la divine contemplation, frère Pierre l'y suivit secrètement pour voir ce qu'il allait y faire. Frère Curado se mit en prière, implorant avec ferveur la Vierge Marie, et lui demandant de daigner lui obtenir de son divin fils qu'il ressentit un peu de cette douceur qu'avait éprouvée Saint Siméon le jour de la purification, lorsqu'elle déposa sur ses bras le Sauveur Jésus. La Sainte Vierge exauça cette prière. Tout à coup cette glorieuse reine apparut environnée de la plus brillante clarté et portant avec elle son divin enfant, puis, s'approchant de frère Curado, elle le lui déposa sur les bras. Dès qu'il se vit en possession de ce précieux dépôt, le frère couvrit de baisers le fils de la Vierge, le serra sur son cœur, et, dans ce moment, il se sentait comme consumé, liquéfié dans l'amour divin et plongé dans un océan de douceurs inexprimables. Frère Pierre qui, de la retraite où il s'était caché, contemplait ce divin spectacle, en ressentit lui-même une grande abondance de consolation. Lorsque la Vierge Marie se fut retirée, il se hâta de retourner au couvent, pour n'être pas aperçu, puis, au moment où frère Curado rentrait tout rempli d'une sainte joie, il lui dit, « Ô céleste frère, vous avez goûté aujourd'hui une bien douce consolation. » « Quelle consolation, frère Pierre ? » répondit frère Curado, « Comment savez-vous ce que je viens d'éprouver ?»« Je le sais, reprit frère Pierre, je sais que la Vierge Marie vous a visité avec son fils béni. » Alors frère Curado, qui, par humilité, désirait tenir secrètes les grâces que Dieu lui accordait, pria frère Pierre de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, et l'amitié que se portèrent désormais ces deux frères fut telle, qu'en toute chose, ils ne semblaient plus former qu'un cœur et qu'une âme. Ce fut encore frère Curado qui, un jour, à Ciruolo, délivra une femme possédée du démon. Après avoir prié pour elle toute une nuit, le matin, Il alla visiter la mère de cette femme et partit aussitôt, pour échapper aux honneurs qu'on aurait pu lui rendre en cette occasion. Chapitre 43. Comment frère Curado de Fidé convertit un jeune frère qui était à charge à ses compagnons. Comment ensuite ce frère lui apparut, après sa mort, en lui demandant de prier pour lui. Comment, enfin, frère Curado le délivra par ses prières des peines du purgatoire. Frère Curado de Fidé, cet admirable zélateur de la pauvreté évangélique et des observances de saint François, mena une vie si religieuse et si pleine de mérite devant Dieu, que Jésus-Christ l'honora, pendant sa vie et après sa mort, de plusieurs miracles. Un jour qu'il se trouvait au couvent de Fidé, les religieux vinrent le prier, pour l'amour de Dieu et de la sainte charité, de vouloir bien donner quelques avis à un jeune frère qui menait, parmi eux, une vie étourdie, désordonnée et relâchée, jetant le trouble dans toute la communauté, et faisant, du reste, peu de cas de l'office divin et des autres observances. Touché de compassion pour ce malheureux jeune homme et pour les frères qu'il contristait, frère Curado le fit appeler à part, et, dans l'ardeur de sa charité, il lui fit une exhortation si touchante et si pieuse que, dès lors, par une opération de la grâce divine, le jeune frère fit voir, dans ses mœurs, la gravité d'un vieillard. Il devint obéissant, bienveillant, pieux, doux, plein de prévenance pour ses frères, et, loin de les importuner comme par le passé, il devint pour eux un sujet de consolation et l'objet de leur tendre affection. Frappé d'une grave maladie quelque temps après sa conversion, il mourut au milieu des sincères regrets de tous ses frères. Peu de jours après sa mort, frère Curado se trouvant en prière devant l'autel du couvent, l'âme du défunt lui apparut et le salua respectueusement par le nom de père. Qui êtes-vous ? Demanda le frère, « Je suis, » fut-il répondu, « l'âme de ce jeune religieux mort il y a quelques jours. »« Eh bien, mon très cher fils, » reprit frère Curado, « quel est votre sort dans l'autre monde ?»« Grâce à la bonté divine, » répondit l'âme, « mon sort n'est pas malheureux, je ne suis pas damné, mais des péchés, que je n'ai pas eu le temps d'expier sur la terre, sont cause que je souffre, dans le purgatoire, des châtiments rigoureux. Je vous en prie, mon père, votre bonté m'a été d'un grand secours pendant ma vie, daignez encore me soulager dans les peines que j'endure maintenant, en récitant pour moi quelques patères, oui, priez, ô mon père, car, je le sais, vos supplications sont agréables devant Dieu. » Le charitable frère se mit aussitôt à genoux et récita pour le défunt un pater et un requiem aeternam. « Ô mon bon père, lui dit aussitôt l'âme, que, votre prière m'a procuré de rafraîchissement et de consolation. Ô je vous en prie, continuez. » Frère Curado répéta sa prière. Et quand il l'eut achevé, « Père bien-aimé, » reprit l'âme, « je vous en conjure, encore, j'éprouve un si grand soulagement quand vous priez pour moi. » Alors le frère, voyant les adoucissements que ses prières procuraient à cette âme, dit encore pour elle sans pater, et quand il eut terminé, l'âme lui dit, « Je vous rends grâce de la part de Dieu, ô Père chéri. Pour la charité que vous m'avez témoignée, vos prières m'ont entièrement délivré des peines du purgatoire, et voici que je me rends au royaume des cieux. » À ces mots, la voix cessa de se faire entendre. C'est ainsi que l'âme du jeune frère fut sauvée, et frère Curado, qui lui avait obtenu ce bonheur par ses mérites, raconta à ses compagnons, Pour les encourager et les consoler, la vision que nous venons de rapporter. Chapitre 44. Comment la mère du Christ et Saint Jean l'évangéliste apparurent à frère Pierre Curado, et comment il lui fut dit lequel des deux avait ressenti le plus de douleur de la passion de Jésus-Christ. Dans le temps où frère Curado et frère Pierre, dont nous parlions tout à l'heure, demeuraient ensemble au couvent de Forano, dans la garde du Ancône, ces deux frères paraissaient dans la province de la Marche comme deux astres brillants. Ils avaient l'un pour l'autre la plus tendre amitié, et, une si grande charité qu'ils ne semblaient plus former qu'un cœur et qu'une âme. Et ils étaient convenus entre eux qu'ils se confieraient mutuellement les consolations que Dieu daignerait leur envoyer. Cette convention faite, un jour que frère Pierre était en prière, pensant à la passion de Jésus-Christ et se représentant, au pied de la croix, la bienheureuse Vierge Marie, le disciple bien-aimé, Saint Jean l'évangéliste, et Saint François, tous trois crucifiés intérieurement par leur douleur avec Jésus-Christ, il lui vint en désir de savoir laquelle de ces trois âmes avait ressenti plus de peine de la passion du Sauveur, ou bien de la Vierge qu'il avait mis au monde, ou du disciple bien-aimé qui avait reposé sur sa poitrine, ou bien enfin de Saint François qui avait été crucifié avec lui. Il était dans ses pieuses pensées, quand tout à coup lui apparurent la Vierge Marie, Saint Jean et Saint François, tous trois resplendissants de gloire et couverts de vêtements magnifiques. La tunique de Saint François paraissait plus brillante encore que celle du Saint Évangéliste. À cette apparition mystérieuse, frère Pierre demeura comme frappé de stupeur, mais Saint Jean le ranima par ses paroles. « Ne crains rien, mon cher frère, car nous sommes venus pour te consoler et répondre à ton désir. Sache donc que la passion du Sauveur nous a causé, à la Sainte Vierge et à moi, une douleur que n'éprouva jamais aucune autre créature, mais, après nous, Saint François est celui qui en a ressenti la peine la plus vive, et c'est pourquoi tu le vois environné de tant de gloire. Mais, demanda frère Pierre, très saint apôtre du Christ, pourquoi donc son vêtement est-il plus brillant que le vôtre ? La raison, répondit Saint Jean, c'est que François, tant qu'il vécut sur la terre, porta des habits plus pauvres que les miens. En disant ces mots, le saint évangéliste présenta à frère Pierre un précieux vêtement qu'il tenait à la main, et il lui dit, « Reçois ce vêtement que j'ai apporté pour toi. » Et, comme il voulait l'en revêtir lui-même, le frère, saisi d'étonnement, tomba à terre en s'écriant, « Frère Curado, accourez !» Venez voir que de choses merveilleuses. Mais en ce moment la vision disparut. Quand frère Curado arriva, frère Pierre lui raconta l'apparition qui lui avait été faite, et tous deux en rendirent grâce à Dieu. Chapitre 45. De la conversion, de la vie, des miracles et de la mort du saint frère Jean de la Pena. Jean de la Pena était un jeune séculier de la province de la Marche. Un jour, un enfant d'une beauté ravissante lui apparut pendant son sommeil et lui dit « Jean, va à Saint-Étienne, tu y trouveras un de mes frères mineurs qui y prêche, tu l'écouteras et tu te conformeras à sa doctrine, car c'est moi-même qui l'ai envoyé. Puis, tu auras à faire un long voyage, et quand il sera terminé, tu viendras me rejoindre. » Aussitôt le jeune homme se lève et il se trouve entièrement changé. Il part pour Saint-Étienne, et il y voit, à son arrivée, une multitude qui se pressait pour aller entendre un sermon. Il s'informe, il apprend que le prédicateur devait être un frère mineur, appelé frère Philippe, L'un des premiers religieux de saint François qui se fut rendu dans la marche d'Ancône, où il n'y avait encore alors qu'un très petit nombre de couvents. Frère Philippe monta en chaire et il prêcha le royaume de la vie éternelle, sans employer les ressources de la sagesse humaine, mais avec la seule vertu de l'Esprit de Jésus-Christ. À la fin du sermon, le jeune homme va trouver le prédicateur et lui dit « Père, si vous daignez m'admettre dans votre ordre, je serais heureux d'y faire pénitence et de m'y dévouer au service de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le frère, remarquant dans celui qui lui parlait une merveilleuse innocence et un grand zèle pour la gloire de Dieu, lui répondit « Vous viendrez me trouver à Recanati, et je vous ferai recevoir. » C'était au couvent de Recanati que devait se tenir, cette année, le chapitre provincial. Le jeune homme, dans son extrême simplicité, s'imagina que c'était là le grand voyage qu'il devait faire, suivant la révélation qu'il en avait reçue, et qu'ensuite il irait au ciel dès qu'il aurait été reçu dans l'ordre. Il se rendit donc à Recanati et fut admis au nombre des frères, mais voyant ensuite que ce qu'il attendait ne se réalisait pas, il en était contristé. Sur ces entrefaites, le ministre annonça dans le chapitre que, par le mérite de la sainte obéissance, il enverrait volontiers dans la province de Provence ceux qui lui témoigneraient le désir de s'y rendre. Dès lors, le jeune frère, pensant que ce pouvait bien être là le grand voyage qu'il avait à faire avant d'aller en paradis, souhaita vivement de pouvoir user de cette permission, mais n'osant pas la demander au ministre lui-même, il alla prier frère Philippe de la lui obtenir. Touché de la simplicité et de la pureté de ses intentions, ce frère consentit, en effet, à demander pour lui ce qu'il désirait, et, l'ayant obtenu, frère Jean partit le cœur plein de joie, dans la persuasion qu'il irait au ciel dès qu'il aurait terminé ce voyage. Dieu permit cependant qu'il vécût encore 25 ans dans sa province, toujours dans l'attente et le désir du paradis, menant une vie sainte et exemplaire, croissant en grâce et en vertu devant Dieu et devant les hommes, et faisant les délices des frères et des séculiers avec lesquels il vivait. Un jour qu'il était en prière, pleurant et soupirant de voir ses désirs si longtemps éprouvés, et son pèlerinage en cette vie se prolonger durant de si longues années, le Christ béni lui apparut et lui dit « Mon fils, quelle grâce souhaites-tu de moi ? Demande avec confiance. » À ces paroles, il semblait à frère Jean que son âme se fondait. « Seigneur, répondit-il, je ne puis vous demander rien autre chose que vous-même, car vous seul êtes tout mon désir. Ce que je vous prie seulement de m'accorder, c'est le pardon de mes péchés et la grâce de retrouver votre divine présence quand cette faveur me sera plus nécessaire. » Jésus l'assura que sa prière était exaucée, et il disparut en le laissant inondé de consolation. Cependant les frères de la marche, instruits de la grande sainteté de frère Jean, souhaitèrent vivement de le revoir au milieu d'eux, et ils firent tant d'instances près du général, qu'ils obtinrent en effet son rappel. Frère Jean reçut avec joie les ordres de son supérieur, et il se mit aussitôt en route, dans la pensée que, ce voyage achevé, Jésus-Christ l'appellerait dans son paradis, suivant la promesse qu'il lui en avait faite. Mais il vécut encore 30 ans dans la province de la Marche, entièrement inconnu à ses parents, et, chaque jour, attendant que Dieu, dans sa miséricorde, daigna enfin mettre un terme à ses désirs. Vers ce temps-là, la charge de gardien lui ayant été confiée, il la remplit avec une grande prudence, Et le Seigneur opéra plusieurs miracles par son entremise. Entre autres faveurs, il reçut alors du ciel le don de prophétie. Un jour qu'il était sorti du couvent, un de ses novices fut si violemment tenté par le démon, qu'après avoir cédé à la tentation, il se proposa de quitter l'ordre sitôt que le gardien serait de retour. Averti alors, par son esprit prophétique, de la tentation de ce frère et de sa résolution, frère Jean se hâte de rentrer, le fait appeler et lui ordonne de se confesser, mais auparavant, il lui raconta comment Dieu lui-même lui avait révélé la tentation à laquelle il avait succombé, et il ajouta, « Mon fils, parce que vous avez attendu mon retour et que vous n'avez pas voulu quitter l'ordre sans recevoir ma bénédiction, Dieu vous fait la grâce de n'en jamais sortir, et votre mort y sera précieuse devant lui. » Le novice se sentit fortifié par ces paroles, et, selon que me l'a raconté frère Hugolin, il vécut toujours dans l'ordre, qu'il édifia par sa sainteté. Frère Jean conservait son âme dans une joie douce et paisible, il parlait peu et avait un si grand esprit de raison et de ferveur que jamais, après matine, il ne revenait dans sa cellule, il demeurait à l'église pour y prier jusqu'au jour. Une nuit qu'il était ainsi en prière, l'ange de Dieu lui apparut et lui dit, « Frère Jean, tu es arrivé au terme si ardemment désiré de ton voyage, je t'annonce, de la part de Dieu, que tu peux demander la grâce que tu souhaites, et choisir entre un jour de purgatoire et 7 jours de pénitence sur la terre. » Le frère répondit qu'il préférait les 7 jours de pénitence. Aussitôt, une foule d'infirmités lui survinrent, une forte fièvre, la goutte aux pieds et aux mains, une douleur au côté et plusieurs autres graves incommodités. Mais ce qui le faisait souffrir davantage, c'est que, devant lui, se trouvait un démon tenant à la main un papier sur lequel étaient écrits tous les péchés dont il s'était rendu coupable par pensée, par parole et par action. Et ce démon lui disait, « Vois-tu ces fautes ? Elles te précipiteront au fond des enfers. » En cet état, frère Jean ne se rappelait aucune de ses bonnes œuvres, il ne se souvenait même pas qu'il était religieux, ni qu'il eût jamais été dans aucun ordre, une seule chose le frappait, la damnation qui lui avait été annoncée par le démon. Aussi, quand on lui demandait comment il se trouvait, « Très mal », répondait-il, « Car je suis damné. » Touché de sa position, ses compagnons firent appeler près de lui un frère très âgé, nommé Mathieu de Monterubiano, homme d'une haute sainteté et l'ami intime du malade. Il y avait déjà 7 jours que frère Jean souffrait cruellement, quand il arriva près de lui, il le salua et lui demanda comment il se trouvait. « Oh très mal, » répondit encore frère Jean, « je suis damné. » « Et quoi ?» lui dit frère Mathieu, « ne vous souvenez-vous pas que plusieurs fois, je vous ai confessé et absous de vos fautes, ne vous souvenez-vous pas que, pendant de longues années, vous vous êtes consacré au service de Dieu dans notre ordre, et puis, ne savez-vous pas que la miséricorde divine surpasse tous les péchés du monde, et que Jésus-Christ, notre Sauveur, a donné, pour nous racheter, un prix infini? Ayez donc bonne espérance, je vous en assure, vous serez sauvés. » À ces mots, frère Jean sentit qu'il était enfin arrivé au terme de ses épreuves, la tentation disparut, et une douce consolation vint remplir son cœur. Au moment où il était ainsi tout inondé de joie, il dit à son ami, « Frère, il est tard, vous êtes fatigué, je vous en prie, allez prendre votre repos. » Frère Mathieu ne voulait pas encore le quitter, Mais il se rendit à ses instances et alla se reposer. Frère Jean demeura seul avec le frère qui le servait. Alors Jésus-Christ lui apparut environné de splendeur et répandant autour de lui l'odeur la plus suave. Il venait accomplir la promesse qu'il lui avait faite de revenir le visiter, quand cette consolation lui serait plus nécessaire. Aussitôt il le guérit de toutes ses infirmités. Lorsqu'il eut reçu cette faveur, frère Jean joignit les mains, remercia Dieu d'avoir enfin heureusement terminé le grand voyage qu'il avait à faire dans cette misérable vie, puis, recommandant son âme à Jésus-Christ et la remettant entre ses mains, il passa de la vie mortelle à la vie éternelle qu'il avait si longtemps attendue et dans laquelle il souhaitait si ardemment de contempler le Christ béni. Son corps repose dans le couvent de la Peña de Saint-Jean. Markendan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.